الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. Toujours dans la lecture et la traduction du livre Lum'at al-i'tiqad al-hadi ila sabil al-rashad de l'imam Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullah et une explication de Cheikh Salih Ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. La semaine dernière, on avait traité le chapitre de l'innovation et des innovateurs, à savoir qu'il faut s'éloigner et se séparer des innovateurs, et il faut délaisser toute polémique avec eux, et également de délaisser, de ne pas lire dans leurs livres et de ne pas écouter leurs cours et leurs exhortations, car il y a dans cela un danger immense pour le musulman et pour sa religion, et ce danger est d'autant plus prononcé pour une personne débutante qui n'a pas cette science bénéfique qui lui permettra de distinguer le vrai du faux. Car certaines personnes disent, mais non, mais t'inquiète pas, tu crois que je suis bête ou quoi? Tu crois que ce qu'il va me dire de faux, je vais le prendre en compte? Non, t'inquiète pas, moi je sais ce qui est bien, ce qui est pas bien. Non, akhi, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, on ne l'invente pas. On le sait ou on ne le sait pas. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah Azza wa Jal, comme il a dit dans Sourate An-Nahl, vous a fait sortir du ventre de vos mères, vous connaissiez tout? Non, vous ne connaissiez rien. Tu ne connaissais rien, ni de ce qui était bien, ni de ce qui était mal. Donc tout le bien et tout le mal, tu le sais de par ta science. Et si tu n'as pas de science, comment te protéger? Et comment différencier ce que va dire cet innovateur de bien et ce qu'il va dire de faux? Et le danger est d'autant plus prononcé encore plus, car les innovateurs, pour la plupart, ont cette éloquence et ont cette facilité de manipuler les termes et les phrases pour qu'elles soient acceptées des gens. Il va te dire des belles paroles qui vont entrer dans ton cœur. Tu peux trouver une personne, comme on l'a vu la semaine dernière, qui dit la vérité, mais il le dit tellement mal que tu ne l'acceptes pas. Et une autre personne qui dit l'égarement même, mais qui te l'embellit d'une certaine façon qui va faire en sorte que tu l'accepteras facilement. Il n'est donc permis qu'aux étudiants en sciences religieuses qui ont un niveau avancé dans la science, qui peuvent se permettre de lire des livres d'innovateurs ou d'écouter des cours d'innovateurs, non pas pour prendre la science d'eux, car dans la science de nos savants, des savants pieux, il y a la suffisance, mais d'écouter leurs cours ou de lire leurs livres dans le but de pouvoir leur répondre, dans le but de constater l'amplitude ou le degré de leur égarement, et afin de préparer les arguments pour répondre à ceci, et en aucun cas pour prendre de la science. ثم قال الشيخ الفوزان حفظه الله هذا مقتضى التعامل مع أهل البدع وكتبهم بعض الناس يقولون اطبعوا كتبهم وروجوها لأجل الثقافة وهذه آراؤهم والناس أحرار في آرائهم وفي أن يبدو ما عندهم نقول لهم هذا لا يجوز لأنه فتح باب الشر على المسلمين بل يجب أن تصادر كتب أهل البدع وكتب أهل الضلال أن تصادر من أسواق المسلمين ومن مكتباتهم ومن متناول أيديهم لأنها سموم مثل ما يحجر على الناس في السموم وتمنع السموم من الانتشار فهذه الكتب أضر والعياذ بالله كذلك كما يحمى الناس ويحجر على المرضى من أجل صحة أبدانهم فهذا أولى أن يحجر عليه لأن السمع يغير الأبدان وكتاب الضلال يغير الإيمان والعقول فهو أخطر وأشد فيجب الحجر عليه من أجل السلامة من أجل سلامة الدين والعقيدة. فلا نتساهل في كتب أهل البدع وكتب أهل الضلال ونقول هذه ثقافة، والإنسان يصبح عنده اتساع فكر وعقل لا يضيق، هذا كله من الدعاية للباطل. فالواجب أن يحذر من أهل البدع، ويحذر من سماع كلامهم، ويحذر من كتبهم ببقاء كتبهم من بعدهم بلية. لا نقول إنهم ماتوا وذهبوا وذهبوا هم وإن ماتوا بأبدانهم، إلا أن أفكارهم موجودة في هذه الكتب ولها باعة وزبائن يروجونها، فيجب الحذر من ذلك غاية الحذر، فإنها خطر يهدد المسلمين. في الشيخ الفوزان حفظه الله دي que tout ceci est le comportement ou c'est le résumé ou les choses les plus importantes concernant le comportement que l'on doit avoir envers les innovateurs ainsi que leurs livres. Certains vont dire non, il faut publier les livres des innovateurs et il faut les diffuser et ceci pour garder ou pour entretenir la culture et pour que les gens puissent être cultivés. Ceci est leur avis, c'est-à-dire de ces innovateurs, et les gens sont libres de prendre l'avis qu'ils veulent et de choisir la voie qu'ils désirent. Et Cheikh Al-Fawzan, Hafidhullah, dit, nous leur répondons, cela est interdit. Il est interdit d'éditer des livres d'innovateurs, et il est encore plus interdit d'être la cause de leur distribution et de leur publication. Car, en faisant cela, tu auras ouvert une porte du mal aux musulmans. Au contraire, ces livres doivent être enlevés. Les livres des gens de l'innovation, des innovateurs et des gens de l'égarement doivent être retirés des commerces des musulmans et de leurs bibliothèques, et ils ne doivent pas être à leur disposition. Car les poisons sont mis à l'écart des gens. Si tu as envie d'acheter un poison, est-ce que tu as la possibilité ? Est-ce que tu as la possibilité d'aller à la pharmacie et de leur dire « je veux du cyanure » ? Non. C'est un produit dangereux qui est mis à l'écart des gens. Et ces livres sont plus dangereux que le poison. Ces livres sont plus dangereux que le poison car le poison a un effet sur le corps. De même, que lorsqu'une personne est malade et qu'on ne veut pas que les autres soient contaminés, qu'est-ce que l'on fait de cette personne malade? On la met en quarantaine pour ne pas que les autres soient contaminés et pour ne pas qu'ils tombent malades. Qu'ils tombent malades, c'est-à-dire que leur corps tombe malade. Mais de diffuser le livre des gens de l'innovation, des innovateurs et des gens égarés, eh bien, tu vas porter atteinte à la foi et à la religion de ces personnes. Et de porter atteinte à la foi et à la religion est pire que de porter atteinte au corps. Il ne faut donc pas sous-estimer l'impact destructeur des livres des innovateurs. Et nous ne devons pas avoir cet esprit ou de dire que c'est de la culture et que pour que les gens aient un esprit plus ouvert et pour que leur culture soit plus vaste, eh bien il ne faut pas interdire ce genre de livre même s'il comporte l'égarement. Ceci est une idée fausse qui est dangereuse pour les musulmans. Il ne faut pas dire mais ces innovateurs sont morts. Ils sont morts, ils n'ont plus d'impact à notre époque. La réponse est, effectivement, leurs corps sont morts, mais leurs idées sont toujours vivantes. Et leurs idées circulent toujours au sein de la communauté musulmane. Et il y a des personnes qui sont là, qui travaillent pour certaines nuit et jour pour faire revivre encore plus ces idées égarées et pour la propager au sein des musulmans. Il faut donc faire extrêmement attention à cela, car c'est un danger qui menace les musulmans. ثم قال المؤلف رحمه الله وكل محدثة في الدين بدعة. Et toute innovation ou toute chose nouvelle dans la religion est innovation. لما حذر من البدع والمبتدعة أراد أن يبين ما هي البدعة. قال فكل محدثة في الدين بدعة. لأن الدين لا يقبل البدع. الدين هو ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقط. ولا يقبل ما شرعه فلان أو قاله فلان إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة في الدين فإنها بدعة أما المحدثات في أمور العادات وأمور المنافع فالأصل فيها الإباحة والحمد لله حدث أشياء من الصناعات والاختراعات لم تكن موجودة من قبل لا نقول إن هذه بدع بل نقول هذه مما أباحها الله لأنها هي ليست من أمور الدين هذه من أمور العادات وأمور المصالح التي خلقها الله لعباده فنحن نركب الطائرة والسيارة والباخرة ونستعمل مكبرات الصوت والمسجلات كل هذه مخترعات ليست من الدين إنما هي وسائل نفع للناس ومن استخدمها في الخير صارت نعمة وعونا على طاعة الله ومن استعملها في الشر فهذا من سوء تصرفه هو وإلا فهي مصالح للناس. L'imam de Qudama, rahimahullah, a dit « Et toute chose nouvelle est dans la religion est innovation. » Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, dit « Après avoir mis en garde contre l'innovation et contre les innovateurs, l'auteur a voulu expliquer ce qu'était l'innovation. Il a dit « Toute chose nouvelle dans la religion est innovation. » Car la religion n'accepte pas d'innovation. La religion, c'est ce qu'Allah et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam ont légiféré. Et on n'accepte de personne un acte sauf lorsqu'il est justifié par une preuve dans le livre d'Allah ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux choses nouvelles qui apparaissent et qui font partie à fois des choses générales qui n'ont pas de relation avec la religion, alors la base est que ces choses sont autorisées. Il y a des choses qui ont été inventées à notre époque qui n'existaient pas auparavant. Nous ne disons pas que ces choses sont innovations, mais nous disons que ce sont des choses qu'Allah Azzawajal a autorisées car elles ne font pas partie de la religion. Par exemple, nous montons bien dans les avions, nous conduisons bien des voitures et nous utilisons les bateaux comme moyen de transport. Nous utilisons les micros et les haut-parleurs ainsi que les enregistreurs. Tout ceci sont des inventions qui n'ont pas ou qui ne font pas partie de la religion. Mais ce sont des moyens qui apportent un bénéfice aux gens. Et celui qui utilise ces moyens dans le bien, alors elle sera pour lui une aide dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à celui qui utilise ses moyens dans le mal, eh bien, ce sera un mal pour lui, non pas parce que ces choses sont mauvaises, mais parce qu'il en aura fait un mauvais usage. Quant à ces choses en elles-mêmes, elles sont autorisées et elles apportent un bénéfice aux gens. فالحاصل أن البدع هي ما أحدث في الدين أما ما أحدث في أمور العادات وأمور الصناعات وأمور الدنيا هذه ليست من البدع. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque l'on parle d'innovation, c'est ce qui a été innové dans la religion. Quant à ce qui a été innové dans le monde de l'industrie, ou dans les choses en rapport avec cette vie d'ici-bas, eh bien ceci n'est pas considéré comme une innovation. As-sahaba kanu yujahiduna bil-ramh wa bis-siham wa an-nabl wa as-suyuf wa al-an hadatha ma ta'lamuna min al-aslihati al-mutawwira الصواريخ والطائرات والدبابات والقنابل حدث أشياء لم تكن موجودة من قبل. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam combattaient dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala en utilisant comme armes des flèches, des lances, des épées, et aujourd'hui, eh bien, vous savez ce qui a été inventé comme armes qui sont beaucoup plus avancés, à savoir les missiles, les avions de chasse, les chars, les canons et autres. Toutes ces choses ont été inventées et n'existaient pas auparavant. هل نقول هذه بدع ولا نريدها؟ لا يجب علينا أن نأخذ ما يعيننا على قمع عدونا. قال تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل من قوة هذه نكرة في سياق الأمر فتعم كل قوة وفي كل وقت بحسبه وإمكانيته ولو بقينا على الرمح والنبل والسيف مع وجود هذه الأسلحة المدمرة الفتاكة لما أغنت عنا شيئا يمكن أن تدفع شيئا يسيرا لكن لا تدفع هجوم العدو وقوة العدو لا تدفع إلا بمثلها أو أشد منها. Toutes ces armes nouvelles qui existent à notre époque, est-ce que l'on peut dire ou devons-nous dire que ce sont des innovations et que nous ne les acceptons pas? La réponse est non. Il nous est obligatoire de prendre et d'utiliser ce qui va nous permettre de combattre nos ennemis et de vaincre nos ennemis. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Anfal: وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ, et préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée. Et parmi la force, Allah Azza wa Jalla a dit comme force. Et en arabe, c'est beaucoup plus prononcé, à savoir que le mot force utilisé en arabe, min quwwah, il a été utilisé, et c'est un nom indéfini. Et c'est un nom indéfini utilisé dans un contexte général. Et en arabe, lorsque l'on utilise un mot indéfini dans un contexte général, il veut dire toute cette chose. Autrement dit, Allah Azza wa Jalla a utilisé le mot force de façon indéfinie dans un caractère général, eh bien cela veut dire utiliser toute la force que vous trouvez, quel que soit le moment et quelle que soit la nature de cette force. Et si nous étions restés, ou si nous combattions encore à notre époque avec des flèches, des lances et des épées, et que ces armes avancées étaient présentes et destructrices utilisées par nos ennemis, eh bien nous ne pourrons que répondre de façon minime à une attaque de l'ennemi, et la force de l'ennemi ne peut être combattue que par une force similaire ou plus grande encore. وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ. قال ما استطعتم ولم يحدد من قوة ومن رباط الخيل لأن الخيل فيها الخير إلى يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. وصلى الله عز وجل دي et préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez. Tout ce que vous pouvez, Allah Azza wa Jalla n'a pas donner de limites à cela. Min quwwatin wa min ribat al-khayl, tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie bien équipée. Car le cheval, il y a dans le cheval un bien, et le bien est ceci jusqu'au jour du jugement. Comment les Afghans ont battu les Russes? Comment les Afghans ont battu les Russes? Avec des chars? Avec quoi? Avec des chevaux. Des chevaux et des anciens fusils. Et ils ont réussi à battre l'armée russe. Et il y a un hadith du prophète comme l'a dit le prophète, الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. Le cheval, le bien est attaché à sa crinière jusqu'au jour du jugement. Jusqu'au jour du jugement, il y aura toujours un bien à utiliser les chevaux. Et c'est un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur dos sahih. فهي من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم هناك أعداء من دوسون بيننا لا نعلمهم إذا أعددنا القوة أغضنا العدو الخارجي والعدو الداخلي أما إذا لم نعد القوة فنح العدو الخارجي والعدو الداخلي فلا بد من القوتين قوة الحجة وذلك بالعلم النافع وقوة السلاح وذلك بإعداد آلات الجهاد المتطورة في كل زمان بحسبه قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم أما المنافقون فإنهم يجاهدون بالحجة واللسان وأما الكافرون فإنهم يجاهدون بالسيف والسنان. Allah Azza wa Jalla dit: et préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalier équipé afin d'effrayer تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et votre ennemi, et d'autres, autres qu'eux, que vous ne connaissez pas, mais Allah les connaît. Le fait d'avoir une force militaire ou d'avoir des armes militaires destructrices ou dangereuses, c'est un moyen, et il est utilisé encore jusqu'à nos jours, de dissuasion. Ils disent que la bombe atomique, c'est une arme de dissuasion. C'est-à-dire, lorsque tu sais qu'un pays a la bombe atomique, eh bien, tu ne vas pas t'amuser à l'attaquer ou à provoquer sa colère ou à mal te comporter envers ce pays. Et tout ce contexte que l'on dit, on parle bien de tout ce contexte dans le cadre du jihad que l'on a cité précédemment, c'est-à-dire en temps de guerre. On parle bien en temps de guerre, une guerre qui est acceptée de tous et qui est légitime. Une guerre qui est légitime, islamiquement parlant, bien sûr. Et Cheikh Fozen dit, il y a donc des ennemis qui sont cachés parmi nous et qui sont infiltrés parmi nous, que nous ne connaissons pas. Et lorsque nous nous préparons, et lorsque nous mettons en œuvre les moyens qui vont faire notre force, eh bien, cela va faire peur et va effrayer les ennemis qui sont au sein de nous, comme les ennemis qui sont en dehors de nous. Il faut donc deux forces. Il faut premièrement la force de l'argumentation. Et ceci se fait par la science bénéfique. Et il y a la force militaire qui est de se préparer en ayant les armes et le matériel militaire nécessaire Et en fonction des pays, eh bien, en fonction de l'époque dans laquelle on vit, il faut être à jour dans cela. Il faut avoir la force de l'argumentation, comme on l'a dit, à travers la science bénéfique. Pour combattre qui? Les innovateurs, entre autres, mais à leur tête, les hypocrites. Car les hypocrites, lorsqu'ils sont infiltrés au sein des musulmans, est-ce qu'ils essayent d'influencer les musulmans ou est-ce que ce sont de simples informateurs? Ils influencent. Et au temps du professeur Hassan, entre autres, ils essayaient de parler avec des compagnons pour que ceux-ci ne sortent pas combattre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils n'hésitaient pas à diffuser des mensonges et des calomnies au sein des musulmans pour semer la zizanie entre eux. Et cela, où l'on peut répondre à ces hypocrites et barrer leur attaque à travers la science bénéfique et à travers l'argumentation qui satisfait tout le monde. Donc, les hypocrites, on les combat en temps de guerre, car même pendant la guerre, est-ce qu'ils sont au sein de nous? Ils sont au sein de nous en temps de guerre et en temps de paix. Ils seront toujours au sein de cette communauté et, comme a dit Allah Azzawajal, la ta'lamunahum, Allahu ya'lamuhum. Vous ne les connaissez pas, mais Allah les connaît. Donc, les hypocrites en temps de guerre, on les combat à travers la langue et la science, et en temps de guerre, les non-musulmans, eh bien, sont combattus avec les armes. ثم قال المؤلف رحمه الله وكل متسم بغير الإسلام مبتدع Et tous ceux ou toute personne qui se nomme par autre que l'islam est un innovateur. ومن البدع أيضا التسمي بغير الإسلام والسنة كالذي ينتسب إلى مبدأ أو إلى مذهب أو إلى شخص أو إلى شخص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فالانتساب إنما يكون إلى أهل السنة والجماعة والأتباع والاتباع ولأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الانتساب الصحيح أما الانتساب لأهل الفرق والنحل والمذاهب والمبادئ المخالفة للكتاب والسنة فإن هذا ضلال Et parmi les innovations أيضا comme l'a dit Cheikh Al-Fawzan il y a le fait de se nommer par autre que l'islam et la sunna, comme ceux qui s'attribuent à une pensée, ou à un courant, ou à une personne autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu t'attribues à quelqu'un, attribue-toi aux gens de la sunna et du consensus, attribue-toi à ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est l'attribution authentique. Quant à s'attribuer ou à se considérer comme étant le partisan de tel groupe ou de telle tendance, eh bien, ou de telle base qui sont en contradiction avec le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, cela est innovation et égarement. Karrafidah, comme l'a dit l'imam Ibn Qudam al-Maqdisi, comme Arrafidah. قال الشيخ الفوزان الرافضة طائفة من الشيعة يقال لهم الرافضة ويقال لهم الجعفرية والموسوية وسموا بالرافضة لأنهم جاءوا إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقالوا له تبرأ من أبي بكر وعمر قال لا أتبرأ منهما بل هما صاحب جدي ووزيراه يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومستشاراه قالوا إذا نرفضك يعني نتركك ولا نتبعك فسموا بالرافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي من أئمة أهل البيت كم الرافضة qui sont une faction des chiites appelée Rafida, et ils sont aussi appelés Al-Ja'fariya ou Al-Musawiya. Ils sont appelés Rafida car ils sont venus chez Zayd ibn Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Ils sont venus chez Zayd ibn Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Qui est donc Zayd? Le petit-fils, hein? Zayd ibn Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Donc Ali, donc Zayd ibn Ibn Ali. Donc Ali est son père, et le père de Zayd. Et Ali est le père de Hussein. Ali, naam, Ali est le fils de Hussein. Donc Zayd est le petit-fils de Hussein. Et Hussein est le fils de Ali ibn Abi Talib. Donc c'est son arrière-petit-fils. Naam. Et ils ont dit à Zayd, à l'arrière-petit-fils de Ali ibn Abi Talib, désavoue-toi d'Abu Bakr et de Omar. Il a dit, non, je ne me désavouerai pas d'eux. Bien au contraire, ce sont les compagnons de mon grand-père et ses ministres. Il voulait dire qui en parlant de son grand-père? Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et c'était les ministres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'était également ses conseillers. Est-ce qu'Abu Bakr conseillait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oui. Est-ce que Omar radiallahu anhu conseillait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oui. Ils ont dit, alors nous te rejetons. C'est-à-dire que nous te délaissons et nous ne te suivrons pas. Ainsi, ils ont été appelés Ar-Rafida. Et Ar-Rafida, c'est ceux qui refusent, ceux qui ont délaissé, car ils ont refusé Zayd ibn Ali, qui faisait partie des imams, des gens de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. وَالَّذِينَ يَنْتَسِبُونَ إِلَى زَيْدٍ مِنَ الشِّيعَةِ يُقَالُ لَهُمْ الزَّيْدِيَّةِ والذين ينتسبون إلى جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي بن الحسين هؤلاء يقال لهم الجعفرية وهؤلاء منتسبون فقط ليسوا على مذهب جعفر الصادق رحمه الله لأنه من علماء أهل السنة ومن علماء السلف فهم ينتسبون إليه مجرد انتساب وليتبعون فيما هو عليه من مذهب أهل السنة والجماعة ويكذبون عليه كل كتبهم مشحون بالكذب على أبي عبد الله. Et ceux qui se prétendent ou qui s'affilient à Zayd parmi les chiites sont appelés Az-Zaydiyya. Et ceux qui s'affilient à Ja'far al-Sadiq ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein. Ibn Muhammad, Ibn Ali, Ibn al-Hussein. On a vu que Zayd, c'était le fils de Ali, le fils de al-Hussein. Et ici, il y a ceux qui s'affilient à Ja'far al-Sadiq, le fils de Muhammad al-Baqir, le fils de Ali, Ibn al-Hussein. Et ici, Muhammad al-Baqir, qui est-il? Le frère de Zayd. Et Ja'far al-Sadiq, c'est le fils du frère de Zayd, donc le neveu de Zayd. Et ceux qui se prétendent ou qui s'affilient à Ja'far al-Sadiq sont appelés al-Ja'fariya. Et comme le dit Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, il s'attribue à lui uniquement, mais ils ne sont en aucun cas dans la même voie que Ja'far al-Sadiq rahimahullah, car il faisait partie des gens, car il faisait partie des savants, des salafs et des savants, des gens de la sunna. Ils se sont donc attribués à lui simplement par le nom mais en réalité, ils ne le suivent pas et ne suivent pas sa voie. Et ils mentent sur lui. Et beaucoup de leurs livres, de Al-Ja'fariya, qui est aussi une faction des chiites, leurs livres sont incrustés de mensonges envers Ja'far al-Sadiq, rahimahullah ta'ala. وعلى كل حال نحن لسنا مأمورين بالانتساب إلى جعفر أو إلى زيد أو إلى فلان أو علان لا ننتسب إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي نحن مأمورون بالانتساب إليه. Et dans tous les cas, nous sommes, ou ce qui nous est demandé, c'est de nous affilier. Il ne nous est pas demandé de nous affilier ni à Ja'far, ni à Zayd, ni à un tel ou à un tel, mais il nous est demandé de nous affilier au prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. C'est à lui qu'il nous est ordonné de nous référer. ثم قال الشيخ الإمام ابن قدامة رحمه الله والجهمية également الجهمية qui est également une secte d'innovateurs. قال الشيخ الفوزان الجهمية هؤلاء أتباع الجهم بن صفوان السمرقندي وقيل الترمذي صاحب الأباطيل والكفريات والعياذ بالله فهو ينفي الأسماء والصفات لله عن الله عز وجل يقول بالجبر وأن العباد مجبورون على أعمالهم وليس لهم اختيار ولا قدرة وعنده الإرجاء وهو أن الإيمان مجرد المعرفة في القلب ولو لم يصدقه العمل ولو لم ينطق به اللسان ولو لم يعمل ما دام يعرف أن الله ربه وأن محمد رسوله وأن محمد رسوله ما دام يعرف أن الله ربه وأن محمدا رسوله يعرف هذا بقلبه فهو مؤمن ولا يشترط العمل ولا القول ولا التصديق يكفي مجرد المعرفة في القلب هذا مذهبه في الإرجاء والعياذ بالله فهو جمع بين خبائث جبر وإرجاء وتجهم في الصفات وجبر في القدرة وإرجاء في الإيمان ويقول بخلق القرآن كلها خبائث والعياذ بالله هذا هو الجهم بن صفوان وهو تلقى مذهبه عن الجعد بن درهم والجعد بن درهم تلقاه عن آبان عن طالوت اليهوديين فمذهبهم منحدر من مذهب اليهود الجهمية qui eux sont ceux qui suivent الجهم بن صفوان السمرقندي qui est une nisbah de Samarkand, Samarkand bil-arabiya. Et il a été dit qu'il est ici aussi de Tirmid. C'est pour ça que l'imam Tirmidhi, ce n'est pas son nom, mais c'est ça. Ce n'est pas sa kunya, c'est ça. Nisba, car il y a le nom, il y a la kunya et il y a la nisba. La kunya, c'est père d'un tel, mère d'un tel. Ça c'est la kunya, lorsqu'on dit Abu un tel ou Oum un tel. Et la nisba, c'est par exemple pour ceux qui habitent Écuvilly, les Écuvillois, ceux qui habitent au Mureau, les Muriotins. Malheureusement, parmi les méfaits de vivre dans le pays, dans des pays non musulmans, c'est que notre nisba retourne à quoi? Non? À des villes comme le Parisien, le Bordelais, au lieu de s'appeler le Mécois, le Médinois, le... Non? Et Al-Jahm ibn Safwan est celui qui a divulgué ou qui a fait propager d'énormes bêtises et des actes ou des paroles de mécréance, qu'Allah nous en préserve. Parmi ses égarements, il nie tout nom et tout attribut à Allah Azzawajal. Et il est partisan de l'jabr. Qu'est-ce que l'jabr? C'est le fait de dire que les serviteurs sont forcés et que leur destin est forcé et qu'ils n'ont aucun libre choix. Que ce que tu fais ou ta vie de A à Z, eh bien tu n'es qu'un objet télécommandé et téléguidé. Tu n'as aucun pouvoir d'ajustement, tu n'as aucune marge de manœuvre. Et il y a également, parmi ces égarements, al-irja, qui est de dire que la foi, c'est uniquement de savoir qu'Allah existe dans ton cœur. Même si tu ne pries pas, même si tu fais des péchés, eh bien, tu es considéré comme un bon musulman, car tu as cru en Allah par ton cœur. Et cela est amplement suffisant. Il a donc réuni entre de nombreux égarements, entre al-jabr, comme je l'ai dit, qui est le fait de dire que les gens sont forcés, que leur destin est forcé, à savoir qu'ils ne peuvent rien faire de leur libre choix. Il dit que la foi est présente dans le cœur uniquement et que cela est suffisant. Et il nie tout nom et tout attribut à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ajouté à cela, il considère que le Coran est une créature. Et vous savez tous que le Coran n'est pas une créature, mais que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la parole d'Allah azza wa jal est un attribut parmi ses attributs subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas minimiser cela. Il ne faut pas considérer que celui qui dit que le Coran est créature, que ce n'est pas quelque chose d'aussi grave que ça. Il y a des savants, beaucoup de savants, qui sont morts pour défendre que le Coran n'était pas créé. L'imam Ahmed a été emprisonné, il a été menacé de mort, il a été frappé et châtié parce qu'il ne voulait pas dire et qu'il ne voulait pas accepter que le Coran était une créature, une simple parole. Mais les savants en ont sacrifié leur vie et ont été châtiés pour cela. Et pour finir, Al-Jahm ibn Safwan a pris tous ces égarements d'une autre personne appelée Al-Ja'd ibn Dirham. Et Al-Ja'd ibn Dirham a pris tous ces égarements de Aban, et Aban faisait partie des juifs, du peuple juif. Donc l'origine de l'Jahmiya est juive. ثم قال الإمام ابن قدامة رحمه الله والخوارج إي الخوارج قال الشيخ الفوزان الخوارج هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد الرابع رابع الخلفاء الراشدين خرجوا عن طاعته وكفروه والعياذ بالله وقاتلوه كانوا في الأول يجاهدون معه ثم إنه لما تم التحكيم بينه وبين أهل الشام في معركة الصفين وذلك بأنهم هم الذين ألحوا على علي بقبول التحكيم فقبله رضي الله عنه مكرها وإلا فهو يرى الاستمرار في القتال حتى النهاية ولما ظهر التحكيم في غير رغبتهم خطأوا عليا وكفروه وقالوا أنت حكمت الرجال والله عز وجل يقول إني الحكم إلا لله وخرجوا عليه وشقوا عصا الطاعة وتجمعوا والتف بعضهم إلى بعض فقاتلهم علي في معركة النهروان فقتلهم شر قتله ونصره الله عليهم وأراح المسلمين من شرهم ولكن هذا المذهب باق ومن مذهبهم تكفير أصحاب الكبائر من هذه الأمة يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر الزاني والسارق وشارب الخمر وغير ذلك من كبائر الذنوب من فعلها كفر وخرج من الملة وهذا والعياذ بالله خلاف الحق خلاف الكتاب والسنة الخوارج qui sont-ils ? Ce sont ceux qui sont sortis contre le guide des croyants, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, le calife bien guidé, le quatrième des califes bien guidés. Ils sont sortis de son obéissance et l'ont considéré et l'ont traité de mécréants et l'ont combattu. Au début, ils combattaient aux côtés de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu lorsqu'il y a eu la guerre entre lui et les gens du Sham, pendant notamment la bataille de Siffin. Et Al-Khawarij eux-mêmes ont suggéré à Ali ibn Abi Talib de juger entre les deux camps en désaccord. Et Ali ibn Abi Talib a jugé entre eux contre son gré. Il ne voulait pas le faire, mais il y a été contraint. Et qui lui a suggéré de juger entre les deux parties adverses? Ce sont Al-Khawarij eux-mêmes. Et lorsque Ali ibn Abi Talib a donné son jugement, ils ont dit: tu as jugé entre les gens, alors qu'Allah Azza wa Jal dit: Inil hukmu illa lillah, le jugement n'appartient qu'à Allah. Ils lui ont alors désobéi et sont sortis de son autorité. Ils se sont réunis entre eux et se sont aidés les uns les autres, et Ali ibn Abi Talib les a combattus pendant la bataille de Nahrawal dont on a parlé la semaine dernière. Et Ali ibn Abi Talib a-t-il été le premier à les combattre, ou est-ce que ce sont eux qui ont commencé? Ce sont les Khawarij qui ont commencé à attaquer une des armées de Ali ibn Abi Talib, et lorsqu'il a appris cela, il a combattu le Ha'oula al-Khawarij et les a tous exterminés, et Allah Azza wa Jal lui a donné la victoire et a épargné les musulmans de leur mal. Et concernant le Khawarij, le prophète sallam les a qualifiés des chiens de l'enfer. Le prophète sallam a dit: hum kilabu ahlin nar, ce sont les chiens des gens de l'enfer. Sharru qatla tahta adim as-sama, comme l'a dit le prophète sallam. Ce sont les pires des cadavres sous le tahta adim as-sama, yani sous le ciel, on va dire ça, ou sur terre. Mais comme l'a dit Cheikh Fawzan, leur mouvement existe encore à notre époque. Et parmi leurs mouvements, ou parmi leurs idéologies, ils rendent mécréants ceux dans cette communauté qui accomplissent des grands péchés. Et ils disent que celui qui accomplit des grands péchés est un mécréant qui sort de l'islam. Pour eux, le fornicateur, le voleur, le consommateur d'alcool et autres grands péchés, eh bien, celui qui les commet sort de l'islam et devient mécréant. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Cela est bien sûr en totale contradiction avec la vérité et en totale contradiction avec le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. On aktafi bihada al-qadr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.